Yuma, chapitre 12. Le lendemain, la situation fut encore plus terrible. Tout travail était suspendu, tous les magasins, toutes les boutiques étaient fermées. Les marchés même étaient vides, les boulangeries étaient pillées, et il était presque impossible de se procurer des vivres. Le bruit courait que l'affranchissement était voté, mais que les Blancs essayaient de cacher cette nouvelle. On obtiendrait la proclamation officielle de la liberté que par un appel aux armes. La révolte avait été précédée d'une violente agitation politique créée par l'élection républicaine. Les propriétaires d'esclaves avaient voté pour un affranchi qui défendait leurs intérêts. Les nègres s'étaient servis de leurs nouveaux privilèges pour se faire représenter par un célèbre abolitionniste français. On avait distribué des milliers d'exemplaires de son portrait ainsi que des cocardes et de minuscules drapeaux tricolores. Les gens du peuple embrassaient les portraits avec des pleurs d'enthousiasme et en criant « Vive papa !» Les enfants nègres agitaient les petits drapeaux et criaient « Vive la République !» Certains même étaient si petits qu'ils pouvaient à peine articuler « Vive la hippipi !» La victoire complète des hommes de couleur ne fit qu'accroître cette exaltation. Mais après l'affaire de la prison, les enfants ne se promenèrent plus dans les rues avec leurs petits drapeaux. On ne distribua plus les cocardes, qui furent remplacées par des coutelas tout neufs qu'il fallut aiguiser. Et toutes les meules furent réquisitionnées pour cela. Les Blancs couraient le plus grand danger à se montrer dans les rues. Ils guettaient l'occasion de gagner les navires, sous la protection de leurs propres esclaves ou de loyaux affranchis qui exerçaient une certaine influence sur la foule dont ils connaissaient tous les sombres visages. Mais dans l'après-midi, ces fidèles domestiques comprirent l'inutilité de leur dévouement. Des nègres inconnus, des étrangers, se mêlaient aux émeutiers. C'étaient des hommes au regard farouche, que ne connaissaient point les domestiques de la ville, et qui, lorsque ceux-ci affirmaient en désignant leur maître « Seyon bon béqué, c'est un bon blanc », répondaient par des insultes ou par des grossièretés. Des bandes d'hommes armés passaient incessamment. Ils battaient le tambour, chantaient, criaient « À bas les béquets !» à l'affût des fugitifs qu'ils interpellaient. « Hé, citoyens, citoyennes, arrête, je te parle !» Ils affectaient exprès de parler en français pour le plaisir d'employer le tutoiement insultant. Ils regardaient par toutes les fenêtres à la recherche de visages blancs. Lorsqu'ils en apercevaient, ils se mettaient à les maudire et criaient « Mi, osoué à qui est débrayé où ?» et ils faisaient avec leurs couteaux le geste d'éventrer des poissons. Une grande attaque semblait se préparer, car les travailleurs se massaient sans cesse sur les hauteurs. Les Blancs qui ne pouvaient fuir sentaient leur vie en danger et ils essayaient de se préparer à résister. Dans certaines maisons, les femmes et les jeunes filles se mirent à fondre des balles. Les esclaves trahirent ces préparatifs et le bruit courut aussitôt que les béquets s'organisaient en secret pour attaquer la foule. Le temps était bien loin où les Blancs pouvaient réprimer une révolte en pendant les nègres aux mangoustans de la batterie des Nodes. Mais les nègres se souvenaient de ce que les Blancs avaient fait autrefois et ce souvenir se retournait contre eux. C'était dans le quartier du fort, la partie la plus ancienne de la ville, située sur une hauteur et isolée par la rivière Roxelane, que les créoles blancs se sentaient le moins protégés contre une attaque possible. Il leur était extrêmement difficile de gagner les bateaux, les ponts et tous les alentours de la plage étant gardés par des nègres armés. Dans ce quartier, les maisons étaient en général fort petites et ne pouvaient offrir que peu de protection en cas de siège. Bien des personnes préférèrent quitter leurs habitations et chercher asile dans les quelques grandes demeures de la région. Les dérivières furent au nombre des fugitifs. Ils se réfugièrent chez leurs parents, les De Quercins. La résidence des De Quercins était particulièrement spacieuse. Bien que n'ayant que deux étages, elle était très longue et très large, et construite avec la solidité d'une forteresse. Elle était située à la limite du vieux quartier, dans une rue en pente très rapide qui descendait vers l'ouest de façon à laisser visible au-dessus des toits tout un grand demi-cercle de mer. Vers l'est, la rue montait rejoindre une route de campagne qui menait dans l'intérieur du pays. À l'arrière de la maison, les fenêtres donnaient sur de vastes champs de canne à sucre grimpant très haut le long des flancs de la montagne Pelée, dont la crête nuageuse surgissait dans le lointain à 15 000 de là. Plus de 30 personnes s'abritèrent donc chez les De Quercins. C'étaient, en général, les femmes et les filles de leurs parents, fort alarmées par les événements. Dans la matinée, les domestiques avaient abandonné la maison. Une des servantes, une négresse, irritée par un reproche quelconque, était partie la menace à la bouche « Au souhait, au kéoué !»« Attendez cette nuit et vous verrez. » Monsieur de Quercins, un vieillard de 70 ans, aidé de son fils, avait installé les fugitifs aussi confortablement que possible. Il essaya de calmer leurs craintes. Il croyait que la nuit n'amènerait rien d'autre qu'un accroissement de bruit et de menaces. Il était persuadé que les meneurs de la populace citadine n'avaient pas d'autre intention que de pratiquer l'intimidation. Peut-être y aurait-il une descente générale des travailleurs des plantations. Ce serait un danger plus grave. Mais encore, n'y avait-il pas 500 hommes de troupes dans la caserne? Aucun acte de violence criminelle n'avait encore été commis dans le quartier. Le bruit courait qu'un homme avait été tué à l'autre extrémité de la ville. Mais les fausses rumeurs étaient si nombreuses. En fait, les Blancs du quartier fort, dont la plupart avaient été quittés par leurs domestiques et par leurs esclaves, étaient peu au courant de ce qui se passait, même dans leur voisinage immédiat. Des choses qui, pendant près de 2 siècles, avaient eu lieu en secret, dans l'obscurité, se faisaient maintenant ouvertement. Une puissance jusque-là occulte avait pris tout à coup un empire absolu. C'était le sorcier africain. Sous les tamaris de la place du fort, un de ces quimboiseurs exerçait sa profession sinistre. Il vendait des amulettes, des fétiches, des onguents magiques faits de graisse de serpent. Devant lui, il y avait un tonneau ouvert, rempli de tafia mêlée de poudre à fusil et de guêpes écrasées. Il était entouré d'une foule de nègres du port, de gabariers à demi nus qui maniaient des rames de 25 pieds de long, de négégouos bois, herculéens, abrutis à force d'avoir godillé leur embarcation massive et lourde. De rudes canotiers, dont les peaux bronzées transpirent rarement, même sous le plus chaud soleil d'été. Des équipages des yoles, des sabas et des gommiers, des tonneliers et des arrimeurs, et il y avait aussi les pêcheurs de thonnes et les pêcheurs de requins. « Ça qu'il est !» criait le quimboiseur en versant le venin dans les gobelets d'étain. « Ça qu'il y vini boueli ! Qui veut en boire de l'âme de l'homme, de l'esprit de combat, de l'essence qui tombe pour se relever, du mineur de cœur, du briseur de l'enfer ?» Et tous ils en réclamaient à grands cris, et ils avalaient les guêpes, la poudre et l'alcool, s'enivrant jusqu'à la folie. Le soleil couchant jaunit le ciel et remplit l'horizon d'un flamboiement d'or. La mer changea du bleu au violet, les mornes avivèrent leur vert éclatant en une teinte si lumineuse qu'il paraissait phosphorescent. Le couchant passa très vite au cramoisi, les ombres s'empourprèrent et la nuit s'étendit rapide, de l'Orient, une nuit d'un noir violet, toute pleine d'étoiles. Au moment même où la dernière lueur vermeille commençait à se faner, de la place du fort résonna un long appel creux, étrange, dont l'écho se répercuta en sanglotant par-dessus les collines comme un énorme gémissement. Puis un autre partit du mouillage, un troisième de l'embouchure de la rivière. D'autres encore s'élevèrent en s'entremêlant, des pirogues, des gabarres et des sabas du port. C'étaient les nègres de la ville qui soufflaient dans de grandes conques et appelaient leurs frères des collines. Aujourd'hui encore, les pêcheurs de requins, sur la côte sombre du prêcheur, ailent ainsi les travailleurs des hauteurs, afin que ceux-ci descendent et viennent aider à dépecer le poisson. D'autres signaux gémissants répondirent faiblement au premier. Ils partaient de la vallée de la Roxelane, des terrasses de l'Périnel, du morne d'Orange, du morne Mirail et du morne Labelle. Les ouvriers des plantations arrivaient. Et sur la place du marché, où le sorcier distribuait toujours son « l'essence brisait l'enfer », ses amulettes et la graisse de serpent, le lourd battement d'un tam-tam retentissait sinistrement. Barricadés chez eux, les blancs de la ville basse entendaient le tumulte de l'émeute. Et maîtres et esclaves étaient hantés par une vision de sang et de feu, par le souvenir de la révolte d'Haïti.